Bonjour à tous et bienvenue dans Exquise Esquisse. Est-ce que vous aimez le soleil? Est-ce qu'il vous a manqué parce que ces derniers temps il n'a pas été trop présent? Aujourd'hui dans le studio, je reçois un rayon de soleil. C'est une femme pétillante qui a toujours le sourire et toujours un mot gentil. Sonia André. Bonjour Sonia. Bonjour Cathy. Sonia, je suis ravie de te recevoir. Alors pour commencer, dis-nous ce que tu fais dans la vie, qui va d'ailleurs un peu avec ton activité, parce qu'il faut beaucoup de joie et de compassion. Oui. Alors dans la vie, moi je suis infirmière en néonatologie, c'est-à-dire chez les prématurés, à Bretonneau, à Tours. J'ai fait carrière dans ce service-là, donc ça fait un peu plus de 20 ans que je fais ça. Et qu'est-ce qui te plaît dans ton métier ? Tout d'abord la pédiatrie et en l'occurrence la néonatologie, les petits, les bébés ou nouveau-nés, c'est une vocation. Quand j'étais petite, j'avais des copines qui voulaient faire institutrice et ben moi c'était infirmière. Voilà, donc j'exerce ce que j'ai toujours voulu faire depuis que je suis petite. Donc prendre soin des autres et plus particulièrement oui. Des bébés. Donc. Ouais, moi c'est plutôt la partie bébé qui m'intéresse, ouais. Ou la pédiatrie. Moi, j'ai fait des stages dans le milieu adulte, j'ai beaucoup aimé aussi, mais je me suis plus spécialisée côté pédiatrique. Donc tu t'occupes des bébés qui ont des problèmes, c'est ça ? Qui naissent trop tôt. D'accord. Et d'autres qui naissent à terme et qui ont des soucis, oui, qu'il faut gérer avec une hospitalisation. Et c'est pas trop dur ? Ben moi, j'adore, hein, c'est souvent la question qu'on me pose, mais oui. Moi, j'aime ce côté-là. En plus, on a un tout nouveau service depuis 5 ans, là, où on a intégré la maternité de Bretonneau. Et du coup, on a des super locaux, on peut accueillir les parents et les enfants. Et non, oui, c'est ma passion. Je sais pas, ça fait une vingtaine d'années et je ne changerai pas de service pour rien au monde, non. Qu'est-ce que tu ressens quand un bébé va mieux ? Je suis forcément très heureuse, mais je suis heureuse aussi pour les parents, en fait. C'est tout un accompagnement de soins prodigués au nouveau-né et puis un accompagnement à la parentalité au niveau des nouveaux parents. Oui, ça ne doit pas être évident pour les parents. Oui, effectivement, oui, c'est jamais facile, en tout cas. Et alors, qu'est-ce que tu as comme autre activité ou autre passion, on peut dire, je crois ? Passion, oui, j'ai une passion pour le théâtre depuis 3 ans, voilà. Et comment ça t'est venu ? Eh bien, une amie m'a proposé de venir voir un atelier pour adultes. J'étais allée voir un spectacle d'été en plein air à Amboise. Et puis, à la fin du spectacle, j'ai rencontré le professeur de cet atelier et une de mes amies qui faisait partie de cet atelier m'a proposé de venir faire un essai, enfin de venir voir comment ça se déroulait. J'y suis allée et puis j'étais ravie. Et du coup, je me suis lancée dans cette activité et ça fait 3 ans maintenant, oui. J'en avais fait quand j'étais petite. J'avais une passion pour ce genre d'activité, mais je sais pas, je me mettais des barrières, j'avais une espèce de timidité qui faisait que je n'arrivais pas à aller jusqu'au bout. Et par le biais de cette amie, j'ai été intégrée assez rapidement dans ce groupe et je m'y suis sentie bien. Il y a des gens qui sont plus âgés, un peu plus jeune, l'année où j'avais intégré l'atelier. Et en fait, tout se mélange et on s'aperçoit qu'on peut tous être bienveillants les uns les autres, travailler tous ensemble. Et je sais pas, je m'y suis plus. C'était mon exutoire une fois par semaine. Et ça, depuis 3 ans. Et qu'est-ce qui te plaît dans le théâtre ? Qu'est-ce qui me plaît alors, dans le théâtre ? Alors là, on a bien compris là, oui, le groupe, l'environnement, ouais, la bienveillance autour de toi. C'est ça. Mais dans le fait de jouer un rôle. Ben ça, c'est chouette. Enfin, moi, je ne pensais pas être capable de faire ça. Et par le biais de tous ces cours donnés, de ces expériences auprès des autres, on arrive à prendre des textes et puis à les sortir à la fin de l'année sur une petite représentation. Et c'est là où tu peux tout jouer, en fait. Enfin, on peut être amené à sortir de soi, à se surpasser avec des textes, les dire, les transposer, dire des choses qu'on ne pourrait pas dire dans la vraie vie ou ne s'autoriserait pas de les penser. Et là, on peut les sortir parce que tout est permis et du coup, Oui, voilà. Je crois que le spectacle de fin d'année a récemment eu lieu. Mm-hmm. Donc, être devant le public, ça te fait quoi? Ah, bah là, je suis morte de trouille. On a eu deux représentations. La première, j'avais la bouche sèche. Et même des gens dans le public qui me l'ont dit, hein, qui m'ont dit que ça s'était vu. Voilà, donc moi, j'ai tous les symptômes du stress. Mais en même temps, c'est un dépassement de soi, du coup, d'arriver jusqu'au bout de la représentation. Et la deuxième fois, c'est vrai que c'était la première fois où on faisait deux représentations. Et cette année où on en a fait deux, et à la deuxième, je me suis trouvée mieux. Alors, j'avais encore des symptômes physiques, hein. Les mains qui tremblent, les jambes, mais voilà quoi. Mais je suis allée au bout du truc, j'étais bien accompagnée aussi, on avait des duos et j'avais un monologue quand même, qui était assez... mais voilà, je suis allée au bout. Qui était assez quoi, le monologue ? Stressant. Mais non, mais c'est stressant le monologue, c'était pas le texte en lui-même. C'était le fait d'être seule sur scène. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Ouais, le fait d'être seule, oui. Mm. Même, non, mais si, dans le monologue, il y avait quand même des choses, il y avait des choses que j'ai dites, que j'aurais pas sorti du contexte, c'était complètement loufoque, quoi, j'aurais pas... Donc... Par exemple Par exemple, qu'avec le caractère comme le mien, on n'épouse pas n'importe qui, on épouse forcément un cocu. Mais dans la vraie vie, bah non. Non, c'est pas ce que tu fais dans la vraie vie. Du tout. Non mais voilà, et c'est ça qui est beau dans le théâtre, enfin qui est bien, c'est... Oui, tu peux aller au-delà de tes principes en fait. Mais oui, complètement, oui, oui. Voilà pour le théâtre. Mais écoute, je te souhaite un beau succès dans le théâtre et beaucoup de plaisir. Si. Alors maintenant, je vais te poser des questions plus personnelles. Ah oui. Ah. Mais rigolotes quand même. Hein? Oui, oui, mais bon, c'était pas évident. Hein. Alors Sonia, pour toi, c'est quoi une journée idéale? Alors, une journée idéale pour moi, c'est être, pour ma part, avec la personne que j'aime, sans horaire, sans contrainte, me laisser aller au gré de mes envies, peu importe l'endroit. Peu importe l'endroit. Oui, oui, peu importe l'endroit. La journée idéale, voilà, c'est d'être vraiment... D'être libre, oui, de faire ce que tu veux et d'être avec la personne que tu aimes. Ouais, c'est ça, exactement. D'accord. Et quel jour de ta vie aimerais-tu vivre encore une fois ? Alors là, c'est pas si facile. Bon, je choisirais quand même une journée de vacances en bateau avec mon papa. C'était où ? Dans le sud de la France. Un bateau à voile, un bateau à moteur ? Oui, raconte-nous oui, un peu pardon, cette journée. Alors, d'accord, cette journée. On partait tous les ans en bateau à voile, un mois en Méditerranée avec mes parents. Voilà. C'est des souvenirs... très positif pour moi, puisqu'on se retrouvait en mer tout un mois complet, hein, en fait. On embarquait à Bormes-les-Mimosas et puis on faisait toute la côte méditerranéenne pendant un mois. Et ben voilà, c'est des jours heureux. Mon papa n'est plus là, donc forcément, si j'avais vraiment une journée à revivre, ce serait une journée comme celle-ci. Pleine de soleil, d'eau salée, de voiles, de bateaux, de vacances. Oui, et entourée des personnes que tu aimes. Mais ça, oui. Ça revient beaucoup, ça. Oui, oui, oui, complètement, c'est moi. Si tu avais le choix, avec qui ou avec quoi aimerais-tu échanger ta place pour une journée ? Ah, un astronaute. Un astronaute ? Eh ouais, Thomas Pesquet. Ah oui ? Eh oui, ben, je me dis qu'il a... enfin, il et puis ses prédécesseurs ont eu une vue... de notre planète bleue. Et je sais pas, c'est un truc qui me fascine. Et voilà, si je pouvais passer une journée comme ça, enfin, à la place de quelqu'un, bah, ça serait ça, à ce moment-là, dans une mission. D'accord, tu aimerais voir la Terre, ouais. Dans sa globalité. Ouais, ça doit être surprenant quand même, non ? On est si petits, nous, je sais pas, ça me fait rêver, ça. D'accord. Oui. Et qu'est-ce que tu penses actuellement de l'état de la Terre ? Ah, voilà. On pourrait oui. Voir justement où on en est. Tu vois, si on était bien plus nombreux à voir tout ce qui s'y passe de là-haut, eh bien peut-être qu'on pourrait avancer sur certaines choses, quoi, parce que les dire, parfois, ça ne suffit pas. Et de voir des images, tu vois, peut-être qu'en effet, ça pourrait parler à beaucoup plus de gens. Et voilà, peut-être aider à aller un peu plus loin dans cette direction, oui. Oui, en effet, ouais. Oui, c'est vrai que les images, ça ouais, a c'est un pouvoir plus fort. Ouais, je pense aussi, ouais. Et quel est ton plus beau moment dans la vie ? Ah, mon plus beau moment, c'est quand j'ai été diplômée infirmière. D'accord, tu nous racontes ? Ben, je vous raconte, oui, comme tout examen. Hein. Tu vas le jour J récupérer tes résultats. Et puis, quand tu vois ton nom, hop là, il se passe une émotion de dingue. Ouais. Et comment tu as réagi ? Tu as sauté de joie, oui, tu as crié. Avec mes copines, on a crié, on avait prévu des bouteilles à déboucher, forcément. Et puis, c'est là, parce que tu as d'autres examens, le permis qui sont importants, le permis, le bac. Oui. Voilà, mais mon diplôme d'infirmière, bienvenue dans la vie active, en fait, c'était ça. Pour faire le métier en plus que tu voulais vraiment faire. Que je voulais depuis que je suis petite, oui, c'est ça, exactement. Ouais. Donc c'est ça, mon diplôme. Alors si je te dis, ce serait bien si... Ce serait bien si, si on allait s'installer en terrasse et boire un verre au soleil. Ça, on peut le faire après. Ok. Bon. Je devrais plus souvent être patiente. D'accord. Il m'est difficile de... De contenir mes émotions. Qu'est-ce que tu aimes chez toi, Sonia? Qu'est-ce que j'aime chez moi? Physiquement? Ah ben, les deux, physiquement, moralement, psychologiquement. Physiquement, mes yeux. C'est vrai qu'ils sont très beaux. Alors, elle a de très beaux yeux bleus. C'est la marque de fabrique de mon côté paternel. On a tous les yeux bleus. Ce que j'aime chez moi, c'est ma spontanéité. Alors, trois qualités que les autres te donnent. Hein. On va voir de l'autre côté. Là, je t'ai demandé ce que t'aimais chez toi et qu'est-ce que les autres aiment chez toi. Alors, souvent, ce qui revient quand même, c'est mon empathie, je pense, de base. Je suis assez sincère. Les gens me trouvent souriante. Je pense que je suis, oui. Et je suis bon public, je trouve. T'es bon public. Oui, moi, j'aime bien, oui. Tu peux me faire regarder tout, me faire écouter tout. Voilà, je ne vais pas dire d'emblée non, j'ai pas envie ou non. J'y vais, je... Tu découvres. Oui, voilà, ouais. Oui, ça, j'aime beaucoup. Et alors, qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie ? Qu'est-ce qui est important ? En fait, quelles sont tes valeurs, quoi, les plus importantes ? J'aime tout d'abord l'honnêteté. C'est important. La loyauté. Avec le métier que je fais, j'aime la tolérance. Le respect. J'aime beaucoup. L'amour, forcément. Je suis assez fleur bleue, d'ailleurs. Et la fiabilité, aussi. J'aime bien. Ça va avec l'honnêteté, ça, et la loyauté. Oui. Bon, après, tu peux être honnête sans être fiable. Oui, c'est vrai, sans être fiable. Oui. Mmh. C'est vrai. Et qu'est-ce qui te rend joyeuse ? Passer du temps avec les gens que j'aime. Peu importe. Moi, si je suis bien entourée, je suis bien. Ça me rend, ça me rend heureuse. Oui, voilà. Il suffit d'être bien entourée. Peu importe l'activité, c'est pareil, je peux tout faire. Je suis assez ouverte à plein de choses. Donc, oui, toi, l'important, c'est le relationnel. Oui, c'est ça, exactement. Qu'est-ce qui te rend enthousiaste ? Enthousiaste de faire des projets. Alors ça me... N'importe quel projet, non, tu dois avoir des projets quand même. Non, mais qu'ils soient sur le plan professionnel, ça me rend enthousiaste. Quand on fait le même métier pendant plusieurs années, dans le même service en plus, tu vois, y a des fois où quand il y a des choses à revoir, où ça peut me rendre enthousiaste, ça évite la monotonie. Donc professionnellement parlant, ça me rend enthousiaste. De faire des projets de vacances, c'est de week-end, d'activités, de choses à de le spectacle de fin d'année de théâtre, ça me rend enthousiaste. De préparer des choses, ça me rend tout. Oui, préparer tu sais, on prépare des petits trucs à grignoter pour le théâtre aussi, tout ça. Mais moi, ça me rend enthousiaste. Faire la cuisine, ça me rend enthousiaste pour les gens que j'aime. J'aime beaucoup. D'accord. Ça peut, oui. Il y a plein de trucs qui me rendent enthousiaste. Et qu'est-ce qui te rend triste, alors ? Qu'est-ce qui me rend triste ? La solitude, ça me rend triste, ou ça peut me rendre triste. Oui, je déteste voir, tu vois, au restaurant, je déteste voir des gens qui mangent tout seuls. Des jeunes ou dîner. Ah ouais. Alors, tu vas les rejoindre ? Non. Ou tu les invites à ta table ? Non, parce que j'oserais pas faire ça, quand même. Mais surtout que moi, si j'y suis, si je suis pas seule, forcément, parce que j'irai pas toute seule, tu vois. Mais quand je vois des gens au restaurant seuls, ouais, j'aime pas ça. Ça, j'aime pas. Ça me rend triste. Mais c'est vrai. La solitude me rend triste, du coup, j'aime pas. Qu'est-ce qui me rend triste aussi ? L'absence des gens que t'aimes aussi, forcément, ça me rend triste. Et en colère ? Le pire du pire, c'est le mensonge. Là, je sors de... Tu sors de tes gonds. Ah ouais, je peux sortir de mes gonds. Ouais. Je déteste le mensonge. C'est le pire, c'est la pire chose. J'aime pas. Es-tu parfaite, Sonia? Non, personne ne l'est. Non. Évidemment que non. Qu'est-ce qui fait que t'es pas parfaite? Parce que moi aussi, j'ai mes... J'ai des défauts hein, qui peuvent... voilà, donc je suis pas parfaite, non. Je m'agace, je peux m'énerver, j'avoue que au fil mais tu t'agaces, tu t'agaces toi-même, c'est ça que tu veux dire? Non, je peux m'agacer après les gens aussi. Ah oui, d'accord. Non, des fois ça m'a. Oui, les gens m'agacent aussi. C'est vrai que j'aime beaucoup les gens, ils peuvent m'agacer aussi. Oui, c'est humain. Oui, voilà. Non, je peux. Ouais, je peux mettre. Je peux mettre en colère. Je m'aime pas trop quand je suis comme ça, mais je peux m'y mettre. Mais en tout cas, à chaque difficulté, où j'essaie toujours de me recentrer, de me reposer les bonnes questions et du coup, et de relativiser, de me remettre en question. Donc ça, j'avoue que c'est avec l'âge, j'arrive à faire ça maintenant. Je suis assez contente de moi pour oui, ça. Oui, donc finalement, tu sais quand même contrôler tes émotions, quoi. J'essaie, en tout cas. J'y travaille quand c'est au-delà, mais... Mais voilà, après, je pense pas être parfaite. Alors, bon, tu es comédienne, hein, mais... Alors, je vais te demander quelle est ta comédienne préférée. Julia Roberts. Ah oui, ouais. Elle rayonne, comme toi, mais en oui, fait. Oui, elle rayonne. Toi. Et elle a une bouche, en plus. Non, mais elle a une très grande bouche. Oui. Et du coup, quand elle sourit, elle ah, oui. Oh là là, ça, c'est incroyable, hein. Oui, c'est vrai. Oui, je l'aime beaucoup. J'aime bien son physique, j'aime son bien... jeu. Son jeu, oui. Aussi. Ah oui, j'adore. J'adore dans tous ses... Oui, parce qu'en plus, on a commencé à la connaître, elle faisait la prostituée, mais on l'a vu après. Pretty Woman. Ouais, c'est mon film fétiche. Mais après, dans Erin Brockovich, on l'a ah vu oui, complètement très beau film. Dans une course, tu vois. Dans un autre rôle, oui. Oui, ouais. Bah oui. Mmh. Puis dans d'autres comédies, enfin le mariage de mon meilleur ami, ou c'est quand même ça. Mais oui. Bon, voilà, c'est elle. Elle a plusieurs facettes, en fait. Oui, elle peut ça. Jouer assez facilement différents rôles. Ouais. Ton acteur préféré? Mon acteur préféré, Robert De Niro. D'accord. Ouais. Dans ce registre-là. Ton chanteur préféré? J'en ai pas à proprement parler, j'aime bien, j'ai des tendances et au fur et à mesure, je sais pas. Et en ce moment, Grand Corps Malade, Slimane, Arthur H, voilà. D'accord, oui, c'est par période. Oui, ouais. D'accord. J'ai des classiques, si tu veux, mais j'en ai pas un seulement. Donc là, c'est ceux du moment, quoi, voilà, j'aime beaucoup. Et comme chanteuse? Pareil, ça dépend de... Je découvre, par le biais de Grand Corps Malade, j'ai entendu l'actrice Camille Lelouch qui se met à chanter et j'aime beaucoup ce qu'elle fait en ce moment. Après, j'ai des classiques aussi un peu décalés, mais Diams, que j'aime beaucoup. J'ai Juliette Armanet, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps non plus et que j'aime beaucoup sa voix. Puis après, des classiques comme Véronique Sanson, les anciens, que j'aime bien aussi, mais c'est vaste. Voilà. D'accord. Et ta chanson préférée? Du moment, c'est une de Grand Corps Malade. C'est Mesdames. Mesdames. Oui. Bien, on va l'écouter. Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. Et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation. Face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur. Pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ce sans sourciller. Celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. Nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous, on vacille pour votre flamme. Dans cette chanson, Grand Corps Malade fait un hommage aux femmes. Alors toi, est-ce que tu t'es déjà rendu hommage en t'écrivant une lettre d'amour ? Non. Alors, si tu t'écrivais une lettre d'amour, qu'est-ce que tu écrirais ? Qu'est-ce que j'écrirais ? Oui. Je m'écrirais tout d'abord mon amour. Oui, d'accord. Mon amour. Mon amour. Oui, mais c'est quand même... Ça veut dire beaucoup, ça, hein, mon amour, quand même. Hein, mon amour. Je pourrais mettre que tu combles beaucoup de vides que j'ai en moi depuis que je t'ai rencontrée. Je ne cesse d'aimer tous nos moments, nos discussions, nos fous rires. Je suis fière de toi. Je pourrais me trouver belle et rayonnante. Et que je pourrais passer le reste de ma vie à tes côtés. Je pourrais m'expliquer. Oui, je pourrais m'écrire ça. C'est bien. C'est super. Et j'espère que tu le penses, parce que sinon, ça va être difficile si tu ne peux pas passer le reste de ta vie avec toi-même. Oui, Je te le souhaite. Alors, on va bientôt arriver à la fin de cette émission. Alors, si on prend Sonia, c'est S-O-N-I-A. Oui. Alors, le S comme solaire. O comme ouverte. N comme nature. I comme illuminé. A comme attentionné. Et pour finir, peux-tu nous donner ta définition de la vie ? C'est pas un long fleuve tranquille, hein, la vie, mais je pense qu'on peut la rendre aussi douce que possible en s'entourant des gens qu'on aime, en s'assumant. Oui, professionnellement parlant, s'assumant, faisant ce qu'on aime faire, parce que je pense qu'on peut, arriver à peut-être faire du bien autour de soi. Quand on s'assume ? Quand on s'assume, oui, tout à fait, oui, voilà, oui, c'est ça. Oui, ça pourrait être à peu près ça. Merci Sonia. Je t'en prie, Catherine, c'était un plaisir. Difficile, exercice, mais un plaisir quand même.